était là, à ce moment on ne s'est plus jamais quitté. Et tu crois que c'est le hasard qui nous a fait nous rencontrer. C'est certainement le Dieu qui fait de nous l'amour que nous voulons avoir sans trop oser le demander. C'est juste la vie qui fait ses choix. Elle te laisse vivre pendant 100 ans comme un prince de Bel Air. Où elle te met la misère, où tu grandis dans un désert, au milieu des bombes, où leur cratère creuse ta tombe. Dans un désert.